Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Bonjour, bonsoir. Je sais pas, j'essaye un peu de me connecter sur la télévision de la chambre, mais ça semble ne pas marcher. Oh là là. Voilà. Bonsoir, les amis. Une journée très mouvementée. Excusez-moi. Une journée très mouvementée. Et Tolobi, bon, Toyamouke. Toyako, commenter sur ce qui s'est passé ou bien ce qui est en train de se passer au Parlement congolais et Sikaba Dépitain. Bazali ko salaba aventure d'Abango. Et voilà. Avant na kota na ba résultat que tout le monde le sait au Bazolanda que l'Akabiliste, pardon, l'Akabiliste Mabunda vient de tomber. Elle a perdu la direction de l'Assemblée nationale. Et bah, moi, Mouké, Nangonga Mouké, Tokopé, sa commentaire n'a bissou, parce que y a des gens qui ne comprennent pas. Et adresse Oyo et Zali, juste. Naba Congolais au bas la volonté à comprendre les choses. Et surtout pas Naba Milouvo parce que bas un niveau à comprendre. Voilà. Dans la résistance, moi je pense que tout le monde le sait, sauf les inconscients, des gens qui ont raté l'école. Qui ne comprennent pas que tout Banda Kala, personnellement, c'est depuis que Kabila est là, je suis contre Kabila. C'est depuis que Kabila est là, je travaille toujours contre Kabila. Je milite toujours dans l'activisme contre Kabila. Donc, ça fait. Il est là depuis, je pense, 22 ans au pouvoir. Ne comptez pas les 18 ans, il a fait plus de 18 ans au pouvoir. Donc, depuis, il a été placé à la tête de notre pays, je suis toujours contre lui. Et jour pour jour, la Tikala jamais, jamais alors, Kozala pour Kabila. Depuis 2001, je suis toujours contre lui. Je travaille toujours dans mon opposition contre lui. Et pas seulement lui, pas seulement à partir de son avènement, c'est à partir, il y a invasion plutôt, il y a Afdel. Nabetelabilon histoire, il y a Afdel qui a affecté particulièrement ma famille. Alors, Nakokende directement na problématique de ces élections l'Assemblée nationale. Liboso Nakolobake, c'est la première fois Namona une élection, même si Ezali Mouké, une élection transparente. Attention, j'ai dit une élection transparente. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que je regarde, je vois, je retrace. Qu'au banda ba bulletin, qu'au vérifier ba bulletin, qu'au vérifier ba combat ba député, et qu'au les canaux élections, et puis qu'au tchangona ba urne, qu'au compter yango. C'est ce qu'on appelle la transparence. Alors voilà, le milieu vote commence déjà à sauter. Bah, ebisingana ke de roluka carte a PPRD. Bah, ebisingana ke de roluka carte a PPRD. Donc, ça signifie que si vous êtes contre Félix, d'emblée, vous êtes pour Kabila. Mais il semble que l'école maintenant, c'est gratuite au Congo. Rentrez à l'école si vous avez raté l'école, c'est pas tard. Moi, je connais de vieux, des vieilles, des 80, 90, mais ils ont en école, qui rentrent à l'école pour étudier. Ce n'est pas tard. Alors, moi qui milite contre Kabila depuis l'AFDEL, vous me demandez d'aller chercher la carte, il y a PPRD, mais de gens comme Kitenge Yesu, des gens comme Félix, tous ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila, ce sont des saints. Voilà l'idiotie à Bandé Konabissou. Voilà. Bon, donc dans la logique, il y a majorité parlementaire. Écoutez. Je vous dirai d'abord la problématique que cette élection, cette majorité parlementaire est une majorité des formes et non une majorité des fonds. C'est une majorité des formes. Mes chers amis, voyez bien l'élection, les kaki. Il y a des députés, élections présidentielles, élections législatives, élections provinciales. Comme dans la présidence, jusqu'à la provinciale, la gouvernorat, c'était catastrophique et c'est là qui fraude. Votre président l'a dit. Bien qu'Amilongo lié Moko, les restes, les gouverneurs, le député, les sénateurs, c'était des nommés, sauf lui, il n'était pas nommé. Mais, vote Moko, bah, Irne Moko, et l'équipe Mokolo Moko, lui a été élu, les gouverneurs, les sénateurs, le député, et était nommé par Kabila. Bon, suivant cette logique, Tshisekediste. Les députés nommés par Kabila, ils sont 500. Après vérification, le pro-Kabila, Bazalaki, plus de 300. Donc, une majorité parlementaire. C'est ce qui a fait que Kabila soit majoritaire au Parlement, majoritaire au Sénat, majoritaire au gouvernement, et voire même au gouvernorat. Nous combattons un système. On ne combat pas des noms. Nous combattons un système. Voilà aujourd'hui, après corruption, vous savez que ces députés ont touché chacun 12 000 dollars de Félix. Je vous ai expliqué ça hier. Bah, au bas, bah, 12 000 dollars. Le député simple, 250 000 dollars, le député qui pèse, le politicien qui pèse, pour changer cette majorité parlementaire. Je l'ai expliqué hier. Qu'en réalité, nous devons réformer l'homme congolais. On doit réformer l'homme politique congolais. Réformer l'homme politique congolais ne signifie pas changer de nom. Si vous êtes Kazadi, vous resterez toujours Kazadi. Mais notre démarche, c'est de rééduquer Kazadi en maintenant son nom Kazadi. Majorité parlementaire. Le député qui a donné 2 070 000 dollars américains comme salaire à Félix. Le député qui a donné 680 000 dollars comme salaire à Kabila. Eux-mêmes se sont tapés 12 000 dollars américains par mois. Et voilà, aujourd'hui, ces députés deviennent des saints. Bakomi ba saint, ba mo santo. Baza sous ba corrompité, baza sous ba nomété, bakomi ba patriote, l'union sacrée de la nation. Franchement, corruption est si l'inaba député ou. Parce que ça, c'est la corruption. Qui Salomé Banda vous avait dit, parce que voter Mibeko pour le peuple, pour le pays, na biso, corruption est la corruption, parce que diminuer le salaire na bango, parce que le salaire ya Kabila, parce que diminuer le salaire ya Félix, parce que diminuer le salaire ya ba conseiller ya Félix. Toyo Kanabia. Pour nous, la lutte continue toujours. C'est-à-dire que cette élection au niveau du Parlement, c'est juste une histoire de famille. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Même dans la majorité parlementaire de Kabila, les FCC. Oui, na katikuna ba problème ezalaki entre bango, comme vous le savez. Ma problème est à qui? Un règlement des comptes. Moi, je le félicite. Parce que quand un kabiliste part, c'est un criminel de moins pour moi. Mais hélas, Mabunda ne sera pas président de l'Assemblée nationale. Il reste toujours député. Il reste député. Alors, changer Mabunda, le remplacer par un autre qui vient dans le système, qui vient de ce système kabiliste, c'est juste comme satisfaire des petits-enfants avec des bonbons. La forme et non le fond. Or, nous, Tozako lité pour la forme té, tozako lité pour la fond. Alors, maintenant, toyoko na malamu parce que je suis occupé, nazana ici kana za la raté comme d'habitude. Bozomo na peut-être ba lumière za malamu té. Toyoko na malamu. Maintenant que vous avez la majorité parlementaire. Votre président va désigner un informateur. Il va nommer, vous allez choisir un premier ministre. Vous allez constituer un gouvernement où Kabila sera minoritaire. Donc Kabila n'aura plus jamais cette influence d'empêcher Félix de travailler. Toyo Kanabien. Et notez cette date aujourd'hui. Bon noté date il y a l'élo que vous devenez majoritaire au Parlement et la suite, le Sénat, parce qu'il y a une motion aussi, le Sénat, vous êtes majoritaire au Parlement, vous allez constituer un gouvernement majoritaire que vous êtes, vous allez cesser de payer Kabila 680 000 dollars par mois, vous allez retirer le 2500 gardes-corps de Kabila et les envoyer à l'est de notre pays. Maintenant, Kabila a quoi empêcher bien de sous-souter. Alors, maintenant, quittez l'opposition. Boutique à ma marche. Boutique à Kobeta Batou. Boutique à Koluka Bissou. Boutique à Kofinga Bissou. Maintenant, Bossala Moussala qui salome Banda. Mais nous, nous restons toujours dans cette approche critique, dans cette approche watchdog, c'est-à-dire observation, surveillance. Nous vous surveillons, nous vous critiquons. Vous êtes des démocrates, n'est-ce pas? Na okote na ba détail té comment est-ce que vous êtes arrivé na isika bokomi lelo. Mais courage à vous. Alors, tentez maintenant de rééduquer tous les millevores qui ont raté l'école de nous taxer ce que vous allez contre Félix. C'est que vous allez pour Kabila. Nous ne sommes pas aux États-Unis, même les États-Unis en haut. Au bas parti dominant, ils allaient m'y baler. Il y a des citoyens libres américains. Au bas, ils appartiennent à la démocrate, à la démocrate ou bien à la républicaine, qui donnent leur point de vue. Alors, logique wana ya kabeya ka mwanga ba pesa bino que non ce que vous allez contre Félix ça signifie vous allez pour Kabila. Voilà qui ça le banda et je pense qu'à partir de la semaine prochaine tokomona décret tokomona ordonnance ya minembwe tokomona une demande ya retrait. Il y a ma troupe rwandaise dans notre pays. Tokomona ba investisseur bakoya. Tokomona bana bakotanga gratuitement. Tokomona salaire ba militaire amélioré. Tokomona salaire ba enseignant, corps médical, tout le monde, salaire amélioré. Alors quittez maintenant les camps yakolela. Bazo tchabiso bakal, bazo tchabiso bakal, bazo tchabiso bakal. Et maintenant, vous allez voir. Idiosi penza yandeko na bino. Vous allez voir idiosi na ye. Soki toke na logique, il y a élection na général. Félix est président par un deal. Heureusement qu'aujourd'hui, personne ne nie ce deal-là. Ezala Bisso, Ezala Kan ya Kabila, Ezala Kan Nabino. Personne ne nie deal-wana, deal-ezali. Félix est président, pas parce qu'il a gagné des élections, mais parce qu'il a signé un deal avec Kabila. Personne ne le nie aujourd'hui. Bravo. Une évolution à tout le monde. Vous évoluez, vous reconnaître deal. Kabila a évolué, a dénoncé deal. Bisso, tout le monde a position, a Bisso Banda, a dit que deal les alliés. Merci, vous y êtes à Kana Bisso. Que ce soit les Kabilistes, que ce soit vous de Tshisekediste. Bo rejoindre maloba na biso ke dile ezalaki banda le premier jour ya dile wana. Le 5 février 2019, j'ai posté sur ma page Facebook. Le 5 février 2019, j'ai posté. À ce moment-là, tout le monde a demandé qu'on ait un résultat à l'élection. Les résultats ont été programmés le 10 février. Moi, le 5 février, j'ai posté qu'en ce moment que je poste, Félix est en train de négocier la présidence avec Kabila. Ces postes existent toujours. Boyebika ko finga mato finga maki. Lelo, ezala Kabila, ezala bino, bondimi ke dil ezali, bo kata dil, bo uti ko kata dil. Voilà. Félicitations, bo kati dil. Alors, bo kati dil, félicitations. Mais bobo sanate, bo kati dil, on va observer l'absence de Kabila, la présence de Kabila, l'influence de Kabila, mais les soldats de Kabila sont avec vous. L'ennemi dans la maison. Je ne sais pas si vous, il y a quelqu'un qui a déjà lu ce livre-là. L'ennemi dans la maison. Réjouissez-vous. Naba député Nabino, ces gens-là ont milité dans l'UDPS, ils ont évolué dans l'UDPS, ils ont été votés sur la liste de l'UDPS. Bazali ba membre Nabino. Que d'acheter des gens que vous savez, Bazali ba corrompu. Bazali ba corrompu. Ils ont trahi Kabila et ils peuvent aussi trahir Félix. Ce sont des chauves-souris, ce sont des caméléons. Alors, na cause de la musique, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En conclusion, maintenant quittez l'opposition, cher Milouvor. Maintenant cessez de nous attaquer. Maintenant cessez de nous insulter. Maintenant, cessez de vous lamenter que Kabila zo tchabino bakal. Kabila ne veut pas que votre président travaille. Voilà, maintenant, vous avez la majorité parlementaire. Et demain, peut-être, vous aurez la majorité au Sénat. Après demain, vous aurez la majorité au gouvernorat. Et vous aurez la majorité au gouvernement. Alors, travaillez. Travaillez. On va voir. Donc, comme je disais, Nazami Salebele, il fallait quand même qu'on ait sa position à Bisso. Et ces élections, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ces parlements, ils ont là qui parlement, il y a résistance. Ils ont là qui parlement, il y a ba combattant. Ils ont là qui parlement, il y a mouvement social à Bisso. Ils ont là qui parlement, il y a partenaire à Bino Kabila. Alors, pourquoi vous nous indexez Nakati? Pourquoi? C'est là où il y a un vide. Il y a un vide, Namitou Yabatu. Il y a un vide. C'est le parlement de votre collègue, de votre frère, de votre partenaire. Et c'est là qu'ils disputent dans la maison. Voilà, au vrai Congolais patriote, boye bake ezali querelle na famille na bango, ba bundi, ba oyo babande kozwa bitin e belé, oyo babande kozwa te ba réclamer, ba changer juste batu, shift ya batu. Le même personne na kati ya ndako, na kati ya kamnyo moko, o azala ki chauffeur azome mamala mouté. Balongo liye zonga na sima. Moto mususu azui volant. Mais même famille, même camion, bozo kende. Ah, voilà. Voilà. Travailler maintenant, on va voir. Donc, je pense que Tozali épargné Nabenjir, Tozali épargné à Makamunioso et continuer toujours à observer bino. Alors, Togozonga, peut-être parce que Toza occupé, Toza ici, Toza la raté, et ça nous empêche Nama Kamamoussous parce que nous sommes occupés. Merci Mingi, Bamilouvor, Tozota la Kisalo Nabino Ndenge et Bandi. Allez, merci beaucoup et au revoir.